contre les bûcherons de la forêt de Gâtine. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège meurtrier, si on pente un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses? Forêt, haute maison des oiseaux bocagers, plus le cerf solitaire et les chevreuils légers ne paîtront sous ton ombre, et ta verte crinière, plus du soleil d'été ne rompra la lumière. Plus l'amoureux pasteur, sur un tronc adossé, enflant son flageolet à quatre trous percés, son matin à ses pieds, à son flanc la houlette, ne dira plus l'ardeur de sa belle jeunette. Tout deviendra muet, écho sera sans voix, tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, dont l'ombrage incertain lentement se remue, tu sentiras le soc, le coutre et la charrue, tu perdras ton silence, et, haletant d'effroi, ni satyre ni paon ne viendront plus chez toi.